Vous écoutez ? La croche-oreille. Salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, une aventure en direct sur les ondes de CKRL, une radio qu'on s'intonise au 89.1 au cadran et à ckrl.qc.ca sur la toile. Gaëtan Gosselin au microphone, heureux de vous retrouver. Pour les nouveaux auditeurs, les nouvelles auditrices, La Croche-Oreille est une émission pensée sous le signe de la découverte, au diapason de la création sonore et musicale et au carrefour de création inspirée par la recherche et l'expérimentation artistique. Bien sûr que l'idée est de vous faire découvrir des univers assez uniques sur le plan sonore et musical, en autant que possible, de vous faire entendre via votre poste radio des œuvres qui se prêtent en général à une écoute tempérée. Je vais donc vous faire connaître des artistes et des artisans du milieu des arts sonores et des nouvelles musiques, bon, du Québec certes, mais aussi d'un peu partout dans le monde, par le biais de présentations thématiques, d'entretiens avec des artistes, compositeurs, créateurs, créatrices, et l'écoute, bien sûr, de leurs œuvres, de leurs travaux. Et pour lancer ça, je vous propose ce soir trois projets artistiques qui sont inscrits au catalogue du label montréalais Jeunesse Cosmique, une étiquette de musique qui a pour projet de donner à l'art la chance et la possibilité de s'affirmer. C'est comme ça qu'on ouvre les livres. On va donc écouter ce soir quelques titres tirés de cet audacieux label piloté par le créateur sonore Chittagong Bakam, que je salue en passant. Alors, au programme des créations du créateur sonore Simon Labelle, alias Réservoir, dont je vous propose à l'instant, sans tarder, un premier titre tiré d'un magnifique album, vous verrez. Ça s'intitule « La pêche aux ondines ». Alors, on écoute pour lancer ça, pour lancer la soirée, une création intitulée « Tour de l'île ». Thank you. de très belles vagues qui viennent s'évanouir contre une chaloupe, sans doute. Une création tirée de l'album La pêche aux ondines du créateur Simon Labelle, alias Réservoir, c'est le nom de son projet artistique. Simon Labelle est connu comme un des fondateurs du collectif Faux Mardi. Il a été directeur artistique du centre de production Diamond à Gatineau Hall, ainsi qu'un des initiateurs du projet radiophonique éphémère et interdisciplinaire Radio Hall. Très beau projet. Il travaille maintenant dans une grande entreprise d'instrumentation électronique à Hall, une entreprise qui s'intitule Fairfield Circuitry, et je ne connaissais pas cette entreprise tout à fait québécoise qui fait des pédales d'effet et des bidules électroniques pour la création sonore. Alors, c'est vraiment intéressant. Alors, on écoute, on raconte, dans un magazine web de l'Outaouais que Réservoir est un projet de musique instrumentale inspiré de captations sur le terrain, d'environnements physiques, architecturaux ou encore naturels. Simon a lancé un premier album en 2014, inspiré des architectures brutalistes. Bon, des architectures au volume excessif, là, on va dire ça simplement comme ça. Puis, il lance en 2016 un album intitulé « Brume sur la glace », un projet inspiré de l'hiver et du hockey, incorporant des enregistrements de patins sur glace, bâtons de hockey, cris de joueurs. Alors, je vous fais entendre ce soir des extraits de son nouvel album « La pêche aux ondines ». C'est paru en avril dernier sur le label Jeunesse Cosmique, enregistré lors d'un séjour dans un chalet dans les Laurentides. L'album est construit autour d'enregistrements de sons de la nature, vous l'aviez entendu tout à l'heure, tout ça modulé pour en faire des compositions musicales. On écoute cette fois un enchaînement de créations tirées de cet album, La pêche aux ondines. C'était l'enchaînement de deux pièces. Première. Voilà, je me suis fait prendre. Alors, enchaînement de deux pièces. Première intitulée Pavillon et celle-ci qui se termine par ce coup de flûte caché parmi les nénuphars. Comme le souligne Simon Labelle dans un article paru en 2023, l'album évoque l'été. Vous l'avez senti. L'été au bord d'un lac en forêt avec ses longues journées. Je souhaitais, raconte Simon, que le sensoriel du temps et du lieu s'épanche dans les oreilles. Ces idées qui tanguent quand on a passé l'après-midi en kayak, les motifs derrière nos paupières lorsque nos rétines sont marquées du scintillement des vagues, la chaleur du quai en bois sur la peau, les odeurs humides le lendemain d'un orage, l'ensemble choral du vivant. Très belles évocations de la fin, de la finitude du jour. C'était une pièce intitulée Entre chien et loup, tirée de cet album La pêche aux ondines de Simon Labelle. Un projet distillé à partir d'enregistrements réalisés à l'été 2021. Un mix plutôt réussi de flûte à bec ténor, de guimbardes assorties de sonorités halieutiques et peut-être même d'ondines, ces créatures mythologiques fées des eaux douces, aux apparences humaines qui vivent dans les eaux, comme près des fontaines, des sources, des lacs, rivières, parfois dans les réseaux d'eau de la ville. On raconte qu'en été, d'une autre époque sans doute, les ondines aimaient s'asseoir sur les margelles des fontaines pour se faire peigner les cheveux avec des peignes d'or ou d'ivoire. Les chevaliers à la recherche d'une fontaine pour s'abreuver y rencontraient parfois des ondines dont il tombait amoureux. Évidemment. Alors, on écoute une autre pièce de ce beau projet Réservoir de Simon Labelle. Thank you. Eh bien voilà ce qui complète la première demi de l'émission. Restez des nôtres, je vous reviens après un bref battement promo. Pour se rendre à la pause, on écoute une dernière pièce de ce projet, Réservoir de Simon Labelle. Très bel album, La pêche aux ondines, et cette fois on écoute Pauline des Potrons Jacquet. Vous écoutez CKRL. Radio. Vous écoutez La Croche-Oreille. Rebonsoir tous et toutes. C'est la Croche-Oreille sur les ondes de CKRL. On se retrouve ce soir autour de nouveautés sonores lancées au cours des derniers mois par des artistes sonores, compositeurs, performeurs, performeuses que j'ai l'intention d'accueillir au cours de la saison prochaine saison. Gaëtan Gosselin au microphone, très heureux de vous savoir à l'écoute. Je vous rappelle que vous retrouverez la liste des pièces entendues sur le site La Croche-Oreille, vous trouverez ça facilement sur la toile, ainsi que les émissions pour écoute quand ça vous tente. Et je lance la seconde demi avec le créateur multidisciplinaire Jocelyn Robert, pour qui le son demeure le pilier de sa démarche, je dirais, sa démarche artistique. Jocelyn remportait le prestigieux prix du gouverneur général du Canada et l'Ordre des arts et des lettres du Québec pour son immense contribution artistique. C'est au cours de la dernière année ou des deux dernières années, bref, c'est très, très récent. Il lançait cet été un bel album intitulé « Minotaure », quatre nouvelles pièces composées, raconte Jocelyn, de voix et de performance, d'intelligence artificielle audio, et oui, et ça, on en reparlera au cours de la saison, composées aussi de radiofréquences et d'organetto. Alors, je vous propose qu'on écoute une pièce intitulée « Hugues ». C'est tiré de cet album de Jocelyn Robert intitulé « Minotaure ». Alors, on écoute ça. Oh. Thank you. Une création de Jocelyn Robert, un travail sur les vocalises, en tout cas, une œuvre qui stimule, il y a le moins qu'on puisse dire, qui stimule l'imaginaire sonore. C'est tiré d'un album qui s'intitule Minotaure de Jocelyn Robert. Je vous propose pour clore la soirée de brefs extraits d'un album tout chaud de l'artiste visuel et explorateur sonore Joren Diepenmaat, un artiste néerlandais qui est passionné par le monde sonore au sens large. Son travail d'artiste visuel est d'ailleurs très influencé par la culture sonore. Les enregistreurs, les platines, les rubans magnétiques notamment, tous ces objets du monde sonore qu'il travaille sur le plan visuel. Alors voilà, Joren s'est inventé un avatar nommé Amber Bayou. C'est un asile musical, dit-il, pour déposer des petites explorations auditives. Tous les morceaux de cet album sont issus de sketchs ludiques, d'improvisation en une seule prise. C'est spontané, vulnérable et parfois inévitable, dit-il. Allongez-vous et écoutez, nous suggère Joren Diepenmaat. Alors, pourquoi pas pour compléter la soirée avec ce bel album intitulé « Les petits bouts ». Alors, je vous propose une première pièce qui s'intitule « Un barrage, l'âme est rentrée chez elle ». Thank you. Alors voilà ce qui complète l'émission pour ce soir autour des nouveautés sonores des artistes Christian Bouchard, Léa Boudreau, Jocelyn Robert et Yoren Diepenmaat qu'on aura l'occasion de retrouver au cours de la prochaine saison en rencontre avec nous. Grand merci aux artistes de nous avoir permis l'écoute de leurs œuvres. Une salutation spéciale à la maison de disques Empreinte Digitale pour le soutien qu'ils nous apportent. Cela dit, vous trouverez la liste des pièces entendues ce soir sur le site La Croche-Oreille. Vous trouverez ça facilement ainsi que toutes les émissions diffusées jusqu'à maintenant pour écoute à votre guise. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain, 21h, pour une autre aventure sonore depuis les studios de CKRL. Ici Gaëtan Gosselin qui vous salue. Thank you.